c'est les plus forts qui a la plus grosse, qui c'est les plus hauts. C'est moi. C'est qui ton père qui tient mieux la bière, qui c'est les plus hauts. C'est moi. Qui pisse le plus loin qui a le plus beau chien, qui c'est les plus hauts. C'est moi. Oh, et qui les dieux les plus beaux chiens, qui c'est les plus hauts. C'est moi. Aïe aïe. Au Sex Pistols on a inventé ta mère et l'accro. Et on a appris la guitare à Joe. On est les plus peu quand t'écoutes ta fiole. Oh, il est très bien. Tu es de la sportive.